Tirelire. Toi la tirelire. Toi la tirelire. Convoitise les yeux. Convoitise. Coche au point de mire. Coche au point de mire. Cassé par un affreux. Cassé par un affreux. Pièce par pièce. Pièce par pièce.